Genèse chapitre 2. Les cieux donc et la terre furent achevés, avec toute leur armée. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée pour être faite. Telles sont les origines des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés, quand l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, et toutes les plantes des champs, avant qu'il y en eût en la terre, et toutes les herbes des champs, avant qu'elles eussent poussé, car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour labourer la terre. Et il ne montait point de vapeur de la terre, qui arrosa toute la surface de la terre. Or l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie, et l'homme fut fait en âme vivante. Aussi l'Éternel Dieu avait planté un jardin en Éden, du côté d'Orient, et y avait mis l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu avait fait germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la science du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pison, c'est le fleuve qui coule en tournoyant par tout le pays de la villa, où il se trouve de l'or. Et l'or de ce pays-là est bon, c'est là aussi que se trouve le bdellium, et la pierre d'onyx. Et le nom du second fleuve est Lyon, c'est celui qui coule en tournoyant par tout le pays de Chu. Et le nom du troisième fleuve est Idékel, qui coule vers la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit donc l'homme, et le mit dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Puis l'Éternel Dieu commanda à l'homme, en disant, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car, dès le jour que tu en mangeras, tu mourras de mort. » Or l'Éternel Dieu avait dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Car l'Éternel Dieu avait formé de la terre toutes les bêtes des champs, et tous les oiseaux des cieux, puis il les avait fait venir vers Adam, afin qu'il vît comment il les nommerait, et afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fût son nom. Et Adam donna les noms à tout le bétail, et aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne se trouvait point d'être pour Adam qui fût semblable à lui. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit, et Dieu prit une de ses côtes, et resserra la chair dans la place de cette côte. Et l'Éternel Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Alors Adam dit, « À cette fois celle-ci est os de mes os, et chair de ma chair, on la nommera Homès, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi elle, Homme laissera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et ils seront une même chair. » Or Adam et sa femme étaient tous deux nus, et ils ne le prenaient point à honte.